Mais je suis triste, maman. Mais non, je me sens seule. Mais oui, mais toi, t'es... Oui, bisous, maman. Poutou, poutou. Oui. Salut, Alex. Ah, salut, les filles, pardon. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ils sont tous partis, je suis tout seul. Mais non, mais si, là, nous. Si, Charline, elle est aux Bahamas. Ah, la chance. André, il est en Arménie. Ah, pas mal. Et Guillaume, il est à Grenoble. Ah, ça, c'est bien fait pour lui. Mais moi, je suis tout seul. Mais voilà. Non, on est là. Je sais que vous êtes là, mais à l'antenne, les gens, ils vont dire, mais personne n'est là et personne n'aime Alex. Mais non, voilà. Les gens vont pas dire si, ça. Si, ils vont dire ça, bon, allez, on va trouver des sujets rigolos pour te remonter le moral. Ouais, sujets rigolos. Il y a le renseignement français. Mais non, c'est pas rigolo. Ah, bon, non. Ah, dans l'IB, on parle de latin et de grec. Non, j'aime pas le latin et le grec. Ah, Alex, c'est négatif, c'est rigolo, le latin non, et le grec. Non, si. Tu connais des blagues en latin? Non. En grec? Non plus. Voilà, c'est pas rigolo. Bon, sinon, il y a aussi la présidence de France Télé. C'est le pompon. Alors, mais ça... non, mais ça tombe hyper bien, l'invité, ah ouais, elle a commencé à la télé, sa famille en est. Donc, c'est qui l'invité? Bah, c'est Léa Drucker. C'est Léa Drucker. Bah oui. C'est l'invité. Bah c'est, oui. C'est l'invité, c'est Léa Drucker. Ah, je suis bien content qu'André Manoukian soit pas là, il l'aurait dragué. Ah, bah ça va mieux, hein. Ah, bah ça va beaucoup mieux. Je suis patron de l'émission, il y a personne et il y a Léa Drucker. Et voilà. Ok. Ouh. Et pour les sujets? Les sujets, on prend tout, là, c'est génial ce que vous avez dit, j'adore. Je vais passer un coup de téléphone parce que je crois que j'ai stressé ma mère. Maman, oui, ouais, je suis au top, non, mais je me sens pas seule, il y a Léa Drucker. On lui dirait pas qu'elle est mariée, Léa Drucker? Non, on lui dit rien. Bonjour la France Inter, je suis au top. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fait exploser l'actu. Et voici les trois informations auxquelles nous allons attacher de la dynamite jusque 18h. Les renseignements français sont au centre des discussions. Ils s'invitent dans nos vies privées entre deux attentats qu'ils ont déjoués. Que faut-il en penser? Bon, le mieux, c'est que ça reste quand le suspect se blesse lui-même avec ses armes. Pourquoi t'as fait ça, putain? Mais je sais pas, c'est un accident. Rosarum rosis rosis. Bientôt, il n'y aura plus que Jacques Brel pour que les jeunes entendent du latin. Faut-il sauver les langues déjà mortes? J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Veni, vidi, vici. Vous gravez les formules d'usage et vous signez... Caesar. France Télévisions aura bientôt en nous un nouveau président. Il ne serait plus que deux dans les couloirs du CSA, alors qu'ils étaient partis à bien plus. Suspense donc. En tout cas, on espère qu'ils vont tirer le bon numéro. Bon, et pour préparer tous les méfaits du jour, il nous fallait une équipe de pointe. À 17h20, notre chroniqueur sportif, qui n'y connaît pas grand-chose en sport, mais qui en parle tellement bien. Après tout, rappelons que Roselyne Bachelot fut ministre des Sports. Ses tailleurs sont moins flashy, sa voix est moins perchée. C'est vous, Samir Bouadi. Les tailleurs, je suis pas d'accord. Vraiment, je trouve mes tailleurs très flashy. C'est vrai, vous avez des très beaux tailleurs le samedi soir. C'est vrai. Dites-nous de quoi vous allez nous parler. On va parler un peu de foot féminin, parce qu'on a la chance d'avoir deux magnifiques jeunes femmes autour de cette table. Voilà, donc on va un peu prendre de nouvelles de l'équipe de France de foot. Si vous parvenez à les mettre en short, je vous félicite. À 17h30, il n'est pas là, mais a laissé traîner un petit best-of. Le moment Meurice du jour nous emmène au salon du tatouage, où les gens développent une créativité. Sur le pubis, j'aurai une tête d'alien avec la langue d'alien sur la verge. Voilà, plus à 17h30. Et à 17h40, celle qui nous éclaire sur la science. Autant dire qu'elle part d'une zone particulièrement obscure. La future prix Nobel de vulgarisation humoristique, Nicole Ferroni. Oui, moi je me suis demandé si au lieu de développer le renseignement, on pouvait pas plutôt utiliser les bactériophages contre le terrorisme. Évidemment, mais on s'est tous posé cette question. Si tu écoutes Janulto est également sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, où vous pourrez notamment voir des photos de toute l'équipe au travail. Il n'y en a pas des masses non plus. Chaque jour, dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, une référente de la République en l'occurrence. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Pompidou. Votre première... Vous réfléchissez, mais je vous le confirme. Votre première apparition au cinéma dans La Thune date de 91. C'est l'année de la création du Millionnaire. Vous êtes nominé au Molière comme révélation pour Dany et la Grande Bleue en 2001. C'est l'année où la station orbitale Mir se désintègre dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique. En 2007, vous recevez le Globe de Cristal de la meilleure actrice pour L'Homme de sa vie. C'est l'année où Ségolène Royal décide que François Hollande ne sera plus L'Homme de sa vie. Mais là, a priori, il n'y a pas de lien. En 2015, vous jouez dans le Bureau des légendes. Vous êtes... Léa. Mais oui, oui, oui, elle est là, je suis au top. Sur France Inter, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Je suis très content que vous soyez là, comme vous l'avez constaté. Tous mes partenaires m'ont abandonné, alors nous avons quand même heureusement Samir et Nicole. Oui. Et vous êtes venus nous parler du Bureau des Légendes. On voit beaucoup d'affiches dans les rues, on entend beaucoup de promos. C'est l'événement télé qui va commencer le 27 avril. Nouvelle série sur Canal+. Alors, le Bureau des Légendes, quand on lit le titre et qu'on n'a pas lu le pitch, on ne sait pas ce que c'est. Mais le Bureau des Légendes, c'est un bureau qui se trouve à la DGSE. Et c'est un bureau, c'est le service des clandestins. C'est Jean-Pierre Darroussin qui dirige ce bureau. Dans le... Des clandestins qui sont les inspecteurs qui sont envoyés... Voilà, en mission. Exactement. À l'étranger. Parfois sous couverture lourde, comme on dit, c'est-à-dire ils peuvent pas, comme le personnage de Mathieu Kassovitz, Malotru, oui. qui revient de 6 ans passés à Damas, exactement. Où il était professeur. Mm-hmm. Et donc il revient de cette mission et reprend son identité. Mais il s'est passé quelque chose là-bas, il a fait une rencontre qui fait que, voilà, il y a des failles dans le système du renseignement. Et vous, vous êtes, vous venez de la société civile, vous êtes docteur, oui. vous êtes psychiatre, et vous découvrez le fonctionnement de ça, c'est-à-dire que le spectateur, en même temps, rentre avec vous oui. dans les quartiers où normalement on n'a pas accès. Voilà, on va dire que dans un premier temps, le personnage du docteur Balmès, moi j'arrive, je suis assez candide, je découvre tout ça, je découvre tout le fonctionnement, on m'a appelé pour donner mon expertise psychiatrique, mon analyse sur des comportements, pour aider à ce que les clandestins puissent repérer des cibles. Donc, mais c'est un personnage qui reste dans une certaine humilité. C'est pas quelqu'un qui arrive pour donner des leçons. De temps en temps, on me demande mon avis, mais enfin, je suis surtout là en effet pour observer ce qui se passe et pour être aussi le regard du spectateur. Pour le début de cette série. Oui, parce qu'il y a quelque chose un peu de documentaire aussi, puisque c'est des endroits où on n'a pas accès, mmh. et on peut imaginer que la façon dont Éric Rochon et toute son équipe ont réalisé la série, oui. c'est très ressemblant. Ah bah oui, ça, Éric Rochon et les scénaristes, ils ont fait un travail de documentation énorme. C'est une série, c'est très réaliste. C'est-à-dire que... Enfin, nous, on n'en sait rien, et on n'en saura rien, mais on veut bien vous croire. Bah, on est dans la fiction, mais quand même, l'univers est réaliste. Ouais. Il y a une question que je me posais. Est-ce que pour la réalisation d'une série comme ça, il y a quand même des clauses de confidentialité de la part de la DGSE pour pas divulguer des informations? C'est-à-dire des clauses de la DGSE? Bah, parce que je me dis, si on veut copier ou montrer ce qu'est la DGSE, ça reste une source d'information sur le fonctionnement potentiel de la DGSE. Oui, bien sûr, non, ils donnent des éléments. Évidemment, c'est totalement inspiré, comment dire, imprégné d'éléments techniques avec lesquels fonctionne vraiment la DGSE. Mais mmh. après, oui, c'est romanesque. Bien sûr. Après. C'est romanesque, mais très proche d'une réalité. Ça pourrait arriver. C'est tout ce qui se passe dans la série sont des choses qui pourraient arriver. Ouais, puis c'est très ancré dans l'actualité en ce moment. Oui. Vous avez beaucoup de chance pour ça. C'est vous. Je dirais pas chance. Vous avez participé à des attentats exprès peut-être pour lancer une actualité. Oui, je dirais pas chance. Je dirais pas le mot chance. Mais c'est peut-être pas le mot chance, mais malgré tout, les actualités se télescopent et ah, on en parlera. Ah, c'était très troublant. Non, c'était très troublant sur le tournage. On a eu beaucoup de difficultés à choisir le sujet 1 au final. Mmh. Pour revenir au côté plus fiction, vous dites que la passion du cinéma noir de votre papa pour le cinéma noir américain des années 50. Fait votre culture, mmh. je rêvais de Carole Lombard, Jean Harlow et Kim Novak. Mmh. On est un petit peu, si par exemple c'était filmé en noir et blanc, cette série, il y a un petit peu des codes de ce genre de film et votre personnage particulièrement. Mais je pense qu'Éric Rochon a un cinéma très classique. Je pense que les films d'Éric sont assez classiques quand on les voit. Et moi, c'est un classicisme que j'adore hein, au cinéma. Et là, il s'agit d'une série, mais c'est vrai qu'il joue avec ça, avec les personnages sont absolument pas caricaturaux, mais c'est vrai qu'ils sont inspirés de. Moi, je trouve qu'il y a plein de références cinématographiques, à des films de Hitchcock, même avec une réalisation qui est très contemporaine et très très actuelle. Mais je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a quelque chose. Ce que je fais est assez proche d'un personnage. C'est une blonde. Si vous êtes d'accord avec moi, je pense que... Oui, déjà, ça part bien. C'est déjà énorme. C'est-à-dire le mystère. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a oui, beaucoup de mystères et de secrets au-delà du fait que c'est le Bureau des Légendes et que ça se passe à la DGSE. Mais Éric a cette façon de mettre en scène et de raconter et d'écrire qui est très élégante et qui est très mystérieuse et qui a une façon d'amener ses personnages et de faire voyager les personnages dans cette narration qui est... Un peu Mylène Farmer. Ça c'est trop mystérieux. En tout cas, il faut donner plus de clés. Le mystère sera levé à partir du 27 avril sur Canal+, le bureau des légendes, Mathieu Kassovitz, Léa Drucker, et on s'écoute un peu d'Amy Winehouse. On arrive maintenant, Amy Winehouse sur France Inter, vous êtes dans Si tu écoutes, j'annule tout. Charline revient lundi, et pour l'instant je tiens la boutique. Demain nous serons à Bourges avec l'émission Venez nous voir en direct de la médiathèque pour le printemps de Bourges. Autour de la table, Samir Bouadi, Nicole Ferroni et Léa Drucker qui viennent nous parler du Bureau des légendes diffusé sur Canal+, à partir de lundi prochain, lundi 27 avril. Et avant toute chose, eh bien Nicole, je vous ai imposé la revue de presse en duo. Nous constatons que le fossé s'élargit entre les riches et les pauvres. C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. L'info au kilo. Et on commence par Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP. Des Républicains. Oui, oui, il est républicain. Non, il est président des Républicains. Oui, c'est ça, il est président des Républicains de l'UMP. Enfin, en tout cas, lui, il s'en fout, il est hyper content du nouveau nom de son parti. Ce mot, République, j'ai vu que ça plaisait pas à la gauche. Eh bien, du coup... Ils aiment pas ça. Ben, va peut-être falloir qu'ils s'habituent. On verra le moment venu. Mais ils vont finir par me donner une idée. Quand ça fait mal, il ne devrait pas crier si fort. Parce que ça les dénonce. On parlait hier d'enseigner le stand-up dans les écoles. Apparemment, à Neuilly, on l'a appris déjà très très tôt. On passe au sport. Oui, Monaco est éliminé hier soir de la Ligue des Champions. C'était le dernier club français en liste. Monaco, c'est français ? Oui, footballistiquement, oui. Fiscalement, non. Passons à la culture. Maintenant. Oui, la culture. Les places sont en vente pour la comédie musicale Marie-Antoinette. 60 euros la place. Ils ont perdu la tête. Ce qui est cohérent avec le thème. Par contre, Alex, je voudrais vous présenter toutes mes condoléances. Oui, merci Nicole. C'est toute la Belgique qui pleure l'une de ses stars. Et la douleur, nous la partageons avec Sylvana et Joss, les parents. Écoutez l'homélie du curé de Sambreville. Ce n'est pas pour célébrer les funérailles comme ça peut être écrit, mais c'est bien pour partager un moment de chagrin avec Sylvana et Joss, qui sont très éprouvés par la perte de leur petit chien. Oui, oui, c'est vrai. Une messe pour Miss Chihuahua, qui est décédée. C'était un chihuahua, c'est-à-dire un chihuahua wallon, qui était l'égérie de plusieurs marques de vêtements pour chiens. Grosse star dans la région. Ah, c'est parce que c'est une star qu'elle a eu une messe ou si on est anonyme, on a le droit d'avoir une messe en tant que canin? Oui, mais Télé-Sambre ne vient pas filmer l'homélie du curé parce qu'il y a eu un reportage de 4 minutes 30 sur Télé-Sambre. Ah oui, d'accord. Léa Drucker, vous êtes consterné. Vous connaissez bien la Belgique et je sens que vous j'adore allez peut-être Belgique. Y revenir. C'était un très très beau reportage. Ils ont interviewé les gens proches, évidemment, du chien. Notamment Carmen, qui est la belle-maman, en fait, de Miss Chihuahua, puisque c'est la maîtresse de Genzo, d'accord. Qui était le mari de Miss Chihuahua. C'était aussi un chihuahua, donc Genzo est veuf. Je propose qu'on écoute Carmen. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, Miss Chihuahua? C'était une grande star, elle était toute petite en taille et puis elle prenait beaucoup de place dans nos cœurs et on était tous fans d'elle. Il est triste? Oui, il est triste. Ouais. Peu cher. Voilà. Télé-Sambre a laissé toute l'interview du chien qui pleure. C'est au degré 1,5. C'est-à-dire qu'en Belgique, on est souvent dans celui-là. C'est-à-dire qu'on est un petit peu entre les deux. Voilà. Toutes nos condoléances, en tout cas, à la famille. Oui, et est-ce que les pleurs étaient sous-titrés de Genzo? Pour qu'on puisse comprendre. Je pense qu'il y avait trop d'émotions. Moi, j'ai compris. Hein, oui, et je voudrais terminer par quelque chose d'un peu plus drôle. Cela dit, le pauvre homme à qui c'est arrivé hier, c'était à Toulouse. Il court nu dans la gare pour rattraper une prostituée qui l'avait volée. Et sauf que comme il était nu, les policiers l'ont arrêté lui. Et la fille est partie avec sa sacoche. Et dedans, il y avait ses papiers et 500 euros. Voilà, c'est triste pour cet homme-là. Cela dit, comme il avait consommé, se faire baiser pour 500 euros, après tout, c'est pas une mauvaise affaire. Voilà, et ça c'était au degré 1, parce que c'est arrivé hier à Toulouse. Donc voilà, il n'y a pas qu'en Belgique qui se passe un peu tout et n'importe quoi. Vous embrasserez votre chien, hein, j'espère qu'il va bien. Oui. Parce que je sais que dans la famille, on a une grosse affection aux animaux. C'est vrai, Voilà. Voilà. On passe au premier sujet, qui est un petit peu en lien, c'est assez rare que ce soit en lien avec la promo de l'invité. Les renseignements français sont sur les dents, ils traquent les potentiels terroristes. Et d'après Bernard Cazeneuve, ils ont déjà déjoué de nombreux attentats. Là on parle en interne, mais comme il y a un lien avec le bureau des légendes, les renseignements ça bosse aussi en externe. Vous repartez en mission, équipe usée, en Chine, où un certain monsieur Li a pris en otage 50 de nos ressortissants et ne veut négocier qu'avec vous. J'accepte à une seule condition. Acceptez d'avance. Laquelle? Je choisis moi-même mon nom de couverture. Pour rencontrer monsieur Li, faut mieux une bonne couverture. Oui. Sinon, je me mettrais dans le beau drap. OSS 117, Jean Dujardin et Pierre Belmar, qu'on ne voit pas souvent. C'était formidable, comme Pierre comédien. Belmar. Formidable. Toujours formidable, Pierre Belmar. Dans ce film. Oui, qui vend une paire de chaussettes à la télé. Il est toujours formidable. Donc là, évidemment, c'était les renseignements extérieurs. Et là, ce dont on parle beaucoup, ce sont les renseignements intérieurs. Est-ce que vous avez un peu suivi les événements récents? Donc, cette arrestation par chance, on peut dire. Si, il faut quand même le dire, parce que j'ai ici donc... Par inadvertance. Mais non, c'est-à-dire que l'homme se serait tiré dans le pied, et donc il a appelé le SAMU, et quand le SAMU est arrivé, ils ont quand même appelé la police, parce que ça se fait, la police est arrivée sur le lieu, et a suivi les traces de sang, et remonté à la voiture, et elle a ouvert la voiture, et dedans, il y avait des armes, un chargeur, des munitions. Bernard Cazeneuve est venu assez fièrement dire, attention, ben on l'a arrêté, mais on en a déjà arrêté 5 autres avant. Je trouve ça assez rigolo de faire la promo de cette arrestation-ci, qui est peut-être pas celle qu'il fallait le plus mettre en valeur, rapport. Oui, Samir. D'autant que les tenants de la théorie du complot vont encore trouver ça extrêmement bizarre. Qu'ils aient eu du bol. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, peut-être c'est parce que bientôt, il y a la loi sur le renseignement qui va passer, en tout cas en discussion. Est-ce que le fait d'avoir joué dans le bureau des légendes vous a sensibilisé à ce genre de, comment dire, d'histoire, d'affaires? Oui, forcément. C'est-à-dire que tout d'un coup, en étant immergé dans le bureau des légendes et dans le travail avec Éric Rochant et les autres comédiens, et en tournant au mois de janvier, on était dans les studios, etc. Quand il y a eu les attentats, ça nous a fait, tout s'est entrechoqué de façon très très étrange entre la fiction, la réalité, et en travaillant dans une fiction. On apprend beaucoup de choses. C'est ça que moi j'adore dans ce métier aussi. C'est que on apprend des choses techniques, on apprend des choses sur la géopolitique, ou en tout cas on les maîtrise de mieux en mieux. Et forcément, ce qui se passe actuellement sur la loi du renseignement, c'est un sujet que je trouve passionnant, parce que d'un côté, c'est-à-dire qu'on se pose effectivement la question jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour défendre notre territoire tout en préservant nos libertés individuelles. Oui. C'est une question, j'ai pas de réponse, j'ai pas suffisamment de moyens techniques pour y répondre. Rassurez-vous, dans cette émission, il y a très très peu de réponses qui sortent. On n'a pas encore changé le monde et pourtant on est là depuis septembre. En revanche, non, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que là, dans le film, vous préparez des gens à aller dans d'autres pays, vous leur faites changer de nom, vous leur faites changer de personnalité, vous leur inventez une vie. Donc on va très loin pour avoir des renseignements. Ici en France, on est en train d'expliquer que peut-être on vous écoutera une fois au téléphone si éventuellement on pense que peut-être on vous écoutera, mais peut-être aussi qu'on vous a déjà écouté. Ah. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est de créer un cadre juridique qui va permettre de légaliser. Justifier ce qu'on a déjà fait. Voilà, mais ça existe depuis, d'après ce que disent les mecs ont été très clairs sur cette affaire-là en disant ça existe, on veut juste installer un cadre législatif, enfin un truc plus sérieux, quoi. Mais à mon avis, toi, t'es écouté, toi, ça c'est clair. Ouais, mais François Mitterrand, écoutez. Ça se serait su. Non. Mais donc, vous avez tout de suite répondu, on nous écoute peut-être déjà. Enfin, moi, non, à part ma liste de courses de supermarché. Donnez la sur antenne, comme ça on est tranquille. Non, mais ce que je veux dire, c'est effectivement, j'imagine qu'actuellement, ça me paraît, de ce que j'ai lu et compris, hein, peut-être que je vais dire des bêtises, mais c'est peut-être bien de renouveler une loi parce que les moyens techniques ont évolué. Donc, je crois qu'il y a une loi qui date des années 90. C'est peut-être hyper important pour eux. Normal et intéressant qu'on en parle, plutôt que de se dire on est angoissé, on va nous priver de liberté, c'est Big Brother. Non, mais cette question se pose, et en même temps, on est actuellement en guerre contre le terrorisme, donc il faut aussi. Moi, je travaille pas vraiment au service des renseignements, mais j'imagine qu'ils ont peut-être besoin de plus de moyens pour être plus efficaces. Ça me paraît extrêmement compliqué, de mener des actions et tout ça. Bon, voilà, ça me paraît très complexe, et je suis pas à leur place, c'est pas à moi d'en parler. Vous travaillez pas, à partir du 27 avril, je rappelle que vous êtes à la DGSE. Mais je suis dans une fiction, c'est pas la même chose que la réalité, mais enfin, c'est très proche de la réalité, et d'ailleurs, dans la série, je reviens à ça, mais c'est-à-dire qu'en effet, il y a ce problème, il y a des réunions de crise dans cette histoire qu'on raconte, où on voit aussi comment est-ce qu'on improvise parfois dans une situation d'urgence. Et on voit surtout derrière que ces choses qu'on pense être très robotisées, mécaniques, il y a surtout des hommes et des femmes derrière qui sont des gens sensibles et qui font tout le sel de cette série sur Canal+, à partir de lundi prochain. Monsieur Boisdy, oui, et vous allez nous parler de sport, alors que vous ne comprenez pas grand-chose. Ben, j'y connais rien du tout. Mais voilà, c'est parfait. Je vais quand même vous parler de foot féminin, parce que, comme tout le monde le sait autour de cette table, la Coupe du Monde de foot féminin aura lieu cet été au Canada, du 5 juin au 5 juillet, ou à peu près. Enfin, on aura peut-être pu revenir aussi sur la défaite des clubs français en Ligue des Champions, mais bon, on s'en fout. Alors, le foot féminin, c'est quoi? Alors, c'est du foot joué par des jeunes femmes. Alors, le foot, tout le monde sait ce que c'est, mais on est peut-être moins nombreux à savoir ce que c'est qu'une jeune femme. Alors, on va plutôt partir de ça. Alors, une jeune femme, c'est comme un jeune homme, Alex, mais en plus belle, ouais. Avec des beaux yeux et la peau très douce. Hein, en général, ça s'intéresse à la mode et ça aime aussi avoir peur devant des films d'horreur. Ça parle beaucoup avec ses copines et ça fait des projets, ça pense à l'avenir. Ça veut rencontrer le prince charmant et ça relie une fois par an l'intégrale de l'œuvre de Gelderod, un auteur de théâtre belge, ou un auteur de belge de théâtre, je sais pas. Pas beau du tout et qui, sur les rares photos de lui que j'ai pu voir, fait penser à Antonin Artaud, mais en moins sportif. Alors voilà en gros ce que je peux dire sur les jeunes femmes. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à les rencontrer, les contacter, les approcher. Parlez-leur doucement sans postillonner et offrez-leur des fleurs en décembre et des grosses chaussettes en avril. Donc revenons à la Coupe du Monde de foot féminin qui aura donc lieu le... Le 5 juin. Bravo. Jusqu'au 5 juillet. Bravo. Alors, au Canada. Était très très forte. Alors leur coach Philippe Bergerot a dévoilé aujourd'hui la liste des 23. Alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais je peux vous dire que Laura Georges, qui est une copine, est une jeune femme très très très sympa. Elle s'est même expliqué ce que c'est qu'un hors-jeu à ses copines, qui n'ont pas voulu faire footballeuse comme métier et qui le regrette peut-être. Mais enfin, comment savoir, je ne sais pas. Alors cette question fera l'objet d'une prochaine intervention de ma part. Je reviens donc à l'essentiel, mes amis, de mon propos qui était, c'était quoi, Alex? C'était le foot féminin. Voilà. Alors si vous voulez connaître les particularités du foot féminin par rapport à celui joué par les hommes, sachez que les jeunes femmes se touchent moins les parties, crachent moins et surtout sont moins enclines à investir des fortunes dans une voiture de sport. Peut-être parce qu'elles sont très très bien dans leur vie et que du coup elles s'en foutent des voitures. Alors et quand elles épousent, elles, c'est rarement un top model. Alors d'un point de vue purement footballistique, tout change aussi. Hein. Elles sont plus techniques, plus cohérentes dans les schémas tactiques et elles font preuve d'une plus grande solidarité avec leurs gardiennes. Les joueuses de foot proposent une chorégraphie légère, une danse sur la pointe des pointes. Elles se cramponnent à la grâce, comme l'aigle se cramponne au futur. Pour paraphraser René Char, qui savait marier les mots, comme les joueuses de foot savent marier la vitesse et la précision. Alors, souhaitons donc à l'équipe de France de foot féminin de devenir l'équipe de France de foot féminine, ou je ne sais pas quoi. Et même si on n'en a rien à foutre, au foot et ailleurs, les mots devraient avoir un sens. Eh bien voilà, nous allons tous suivre avec attention. Vous aimez le foot? Oui, elle adore, elle m'a dit avant. Je suis pas vraiment le foot, sauf pendant la Coupe du Monde. Si. Voilà, mais ça tombe bien. Du 5 juin. Vous allez regarder au 5 juillet. Bah oui, alors si c'est la Coupe du Monde, oui. Eh bien voilà, ce sera la Coupe du Monde féminine. Vous avez parlé de Michel de Gelderod, vous promeuvez la. Oui, Michel. La culture belge. Oui, pardon, parce que tout à l'heure, Samir disait que les joueuses de foot féminine n'achetaient pas de grosses bagnoles. C'est peut-être aussi parce qu'elles sont moins payées. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, mais je voulais pas l'interrompre. Mais en fait, je voulais dire ça au début quand j'ai écrit ce petit texte-là et je trouvais que c'était pas drôle. Mais enfin, dis comme quand tu le dis, c'est drôle. D'accord. Bah écoute, c'est surtout de l'information, M. Boisdi. Alors méfiez-vous, si vous êtes là pour être drôle, vous êtes mal tombé. Un peu de culture belge, Balthazar. Every time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to ask for. Yeah. Sleep my broken bones, I'll take a load of your skin. Throw me all your stones, I need a cinder. Talk around it, yeah.

et une petite bougie mécanique entre les ailes en haut. Mais attendez, c'est pas du tout ce qu'il fait, il est en train de vous tatouer le visage de Patrick Bruel. Ah bon, c'est pas grave, je le montrerai à ma mère, elle sera contente. Ouf. Ouf. En même temps, qu'est-ce qu'il est préférable d'avoir sur le mollet? La tête de Patrick Bruel ou un aigle qui tient un volant dans les airs? Je sais pas. Ça fait partie des questions auxquelles il est assez difficile de répondre, comme fromage ou dessert, peste ou choléra, ou est-ce que vous préférez avoir la tête de Charles Pasqua ou l'esprit de synthèse d'André Manoukian? C'est très difficile de répondre à ces questions. Bon, avec ces digressions, j'ai toujours pas d'idée de tatouage pour séduire Clara. D'autres ont des idées, des projets. Sur le pubis, j'aurai une tête d'alien avec le, bah, la langue d'alien sur la verge. C'est vrai? Ouais. À quel moment dans sa vie on se dit, tiens, je vais me faire tatouer le pubis avec une tête d'alien? À quand t'as plus de place ailleurs? Bah oui, c'est logique, tout a une logique. Bon, moi je suis désolé Clara, j'ai pas d'alien tatoué sur le pubis. C'est une bonne nouvelle. J'ai même pas votre prénom tatoué, parce que je ne vous ai pas sur la peau Clara. Je vous ai dans la peau. Oh là là, Guillaume Meurice, beau, alors beau. Là, c'est la touche d'élégance après quand même. Quantité d'années qu'on vient d'entendre. Pas merci Guillaume. Voilà, pendant l'absence de Charline, on rediffuse quantité d'âneries. C'est pas drôle. Léa Drucker, vous avez hésité entre le tatouage à table et les saucisses de Mortaux, là, ça vous a... Parce que vous qui êtes née à Caen, peut-être des tripes à la mode de Caen? Non, moi, j'aurais fait une andouille de vie. Ou, ah voilà. Ah, bah oui. Écoutez, si voilà. Les tatoueurs n'étaient pas... Un tatouage idiot, j'aurais fait ça. Écoutez, il y avait le choix. Là, sujet sérieux, attention, éducation. Nous sommes ensemble jusque 18h. Et le sujet 2, les Français aiment beaucoup leur langue. En revanche, quand il s'agit d'en parler une autre, I am français, I speak français. Et encore là, c'est de l'anglais, alors qu'en est-il pour l'allemand et pire, le grec et le latin? Bon, bah, dit monsieur Lochet, dit par exemple, moi faisais la réflexion, dit monsieur Lochet, bon, bah, lui, il parle pas latin. Vous parlez pas latin? Vous n'êtes pas tout le temps parlé latin ou. Non, mais. C'est vrai, vous êtes resté simple, puis c'est vrai, c'est ça que je dis, c'est ça que je dis, c'est plus ça que je dis. Et? C'était François Borel dans Les Deschiens. Donc, il parle pas le latin! Alors, je vais vous lire le début de l'édito de Laurent Geoffrin, parce que ça fait, ce sujet-là fait la une de Libé. Hic et nunc, Najat Vallaud-Belkacem s'apprête à expédier ad patres le latin et le grec. Moriturit et salutant. Faut-il, devant cette décision prise ex cathedra, se contenter d'un de profundis, ex ante comme ex post? En aucun cas, la ministre se trompe, errare, humanum est. Voilà, beaucoup de latin et on a compris ce qui se disait. Qu'en pensez-vous, vous, Léa Drucker? Est-ce que vous en avez fait un peu du latin? Oui, j'en ai fait au lycée, oui. Est-ce que vous en gardez un souvenir? J'étais horrible. Pas non, je... non, pas du tout, mais j'étais pas très douée pour ça. C'est étrange. Oui, non mais quand on voit votre parcours, on a l'impression non, mais est-ce que non, mais je pense par contre que c'est des il me semble que ce sont des matières importantes et essentielles, absolument. Parce que bien que j'ai pas été une bonne élève de ce côté-là, j'ai quand même appris beaucoup de choses à un moment donné où moi j'étais un peu en échec scolaire avec le théâtre. Bien sûr, et donc bien sûr. La langue, c'est les origines de la langue, de l'expression, de la philosophie, de plein de choses. Et je trouverais dommage que ça disparaisse. Parce que le latin et le grec, ce sont de belles histoires aussi, les histoires mythologiques, tout ça, ça nous doit intéresser. Et surtout, je ne vois pas pourquoi, je ne comprends pas. Il y a un truc, je ne comprends pas pourquoi on peut s'attaquer à des matières comme... Je ne vois pas l'intérêt pour libérer quoi, de la place pour le sport? Non, pour éviter l'élitisme, parce qu'il s'avère que des écoles en donnaient beaucoup. Et donc, alors, les élèves dits élitistes, parce qu'on le voit socialement, voilà, il y a beaucoup plus de gens élevés socialement, dont les enfants font du latin et du grec. Il en est de même un petit peu pour l'allemand, où on en voit de moins en moins. Et certaines écoles aujourd'hui, mettre le chinois au programme pour justement faire venir des élèves, parce que c'est classe et c'est élevé socialement d'apprendre le chinois. Il y a du rap latin, grec, tout ça. Booba, c'est plutôt autre chose. Et alors, inversement, nous dit un sociologue dans Libération, certaines écoles apprennent l'arabe aussi, oui. Justement, mais pour amener des gens à connaître mieux leur culture, sûr, aussi, et tout ça est sans doute important. Bien mais sûr. Ça nous ramène au fait que le français, vous qui avez beaucoup étudié aux États-Unis, parce que vous avez grandi aux États-Unis, le français n'est pas un grand, comment dire, doué en langue. Il paraît. Ça vous a jamais frappé, ça? Non, ça m'a pas trop frappé, ça. Je sais pas. C'est vrai, il est pas doué en langue. Autour de moi, je connais pas mal de français. J'étudie beaucoup de français en laboratoire, etc. Et le français, par rapport à d'autres animaux de l'espèce humaine, est très peu doué en langue. Mais il est plus que l'américain, quand même, le français doué en langue. Ah, je sais pas. Oui, mais je pense que les deux partent du principe que leur langue est la plus importante et que c'est aux autres de la connaître. Ce que l'allemand ne pense pas, lui. Exactement. J'allais faire cette remarque parce que moi, j'ai eu pendant un an une correspondante allemande qui est venue habiter chez moi. Et elle, je sais que même notamment les mots en anglais, elle les prononce à l'anglaise. Donc elle, quand je lui disais on va manger au McDo, elle voyait pas ce que je voulais dire. Voilà. Elle me disait ah, McDonald's. Si vous avez une anecdote sur votre jeunesse, n'hésitez pas, vous la placez dans l'émission et tout le monde verra. Bien écoutez, pourquoi pas. Non, mais les Américains, par exemple, font pas tellement d'efforts. Mais ils font aucun effort. Mais alors, vous qui avez été à l'école là-bas, quelles sont les différences quand vous êtes arrivé, vous, en tant que jeune élève ici? Est-ce que vous avez été surprise par le système éducatif français? Ouais, par rapport à l'américain. Là où j'ai été surprise, moi j'étais dans des écoles publiques aux États-Unis, mais ce qui m'a surpris quand je suis revenue ici, c'est qu'aux États-Unis, il y a ce côté un petit peu, tu peux faire ce que tu veux, qui que tu sois, quelle que soit ton origine familiale, sociale, etc. Tu fais un dessin, tu fais un truc, on te dit it's wonderful, oh my god, it's amazing. Et en fait, quand tu reviens en France, on a un peu tendance à te taper sur les doigts. Enfin, je me souviens, en tout cas en sixième, où on me disait, oh non, mais ça c'est, on nous de gorgeous. C'était un peu, il n'y avait pas cet encouragement qui peut paraître un peu bébête aussi aux États-Unis. Mais vous dessinez mieux aux États-Unis donc qu'en France. Voilà. Oui. oui. Non, mais c'est vrai. Et c'est peut-être un truc un peu de performance là-bas. Parce qu'on voit beaucoup, et je crois que c'est dans Marianne, aimons la France. Et il y a un petit côté, les Français ne s'aiment pas. Et c'est le Belge qui parle. Moi, je devrais pas dire ça. Ma mère est prof d'anglais dans les lycées, donc je vois aussi le travail qu'ils essayent de faire. Et c'est. Et justement, quel est son avis, peut-être, vous n'avez pas parlé de ça. Mais... Latin, non, en tant que, prof de langue, parce que, l'allemand aussi, par exemple, est très déserté, Najat Vallaud-Belkacem pense faire commencer beaucoup plus tard la seconde langue, dans le processus scolaire. Oui. Ça, j'ai pas d'avis. Bon, ce qu'on va faire, vous demandez à votre mère et puis vous ramenez dans la maison. Ou alors vous invitez ma mère. Ou on invite votre mère. Voilà. L'invitation est lancée. Nicole Ferroni. Oui, alors là, attention, on parle d'enseignement. On en vient à vous. La qualité de l'enseignement, c'est vous aussi en partie pour la France. Merci. Voilà. Par contre, moi, je trouve quand même un petit peu dommage que tout à l'heure, vous ne m'ayez pas demandé mon avis à moi sur la loi du renseignement, parce que je trouve qu'il y a quand même une très grande similarité entre le comportement des terroristes face aux services de renseignement et le comportement des bactéries face aux antibiotiques. C'est-à-dire de la même façon que les services de renseignement, vous voyez, trouvent des stratégies pour débusquer les terroristes et puis les terroristes finissent par contourner cette stratégie, Exactement. On voit que le monde pharmaceutique, à chaque fois qu'il sort un nouvel antibiotique, les bactéries finissent par contourner aussi cet antibiotique. C'est-à-dire qu'au début, en fait, face à l'antibiotique, les bactéries meurent, on dit alors qu'elles sont sensibles, et puis progressivement, au fil du temps, et au contact de l'antibiotique, apparaissent des colonies bactériennes et des bactéries qui, comme France Gall, résistent. tout prouve qu'elles existent, parce que même si on ne les voit pas, elles causent des dégâts qui peuvent aller jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'actuellement, on attribue à ces bactéries résistantes aux antibiotiques près de 4000 décès par an en France, dont 20% sont attribués juste au staphylocoque doré, alors qu'à titre de comparaison, Julien Doré, lui, n'a tué personne, même si le pronostic vital de beaucoup de gens a été engagé depuis. Et alors, bien sûr, la question, c'est comment on en est arrivé là. Et alors, comme le précise l'un des responsables de l'ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament, monsieur Philippe Cavalier, il nous dit, la consommation française est de 30% supérieure à la moyenne concernant les antibiotiques. Alors vous allez dire, oui, c'est un peu cavalier de sa part à ce Philippe de dire ça sur le ton du reproche, parce que très certainement que si la France fait ça, c'est qu'elle a de bonnes raisons. Oui, d'abord une raison économique, puisque le marché des antibiotiques, c'est 31 milliards d'euros dans le monde. Et ensuite, une raison économique, parce que c'est vrai qu'avant, on avait constaté que quand on donnait des antibiotiques aux animaux d'élevage, ça favorisait la prise de masse musculaire, graisseuse, etc. Donc maintenant, c'est interdit. Donc on donne des antibiotiques quand même aux animaux d'élevage, mais pour d'autres raisons, à savoir la prévention de risques infectieux. Alors le problème, c'est que les antibiotiques, une fois ingérés par les animaux ou les humains, sont métabolisés. Une partie donc est dégradée et éliminée par l'urine. Alors des fois sous forme inactive, des fois sous forme active. Du coup, les nappes phréatiques, les sols et l'eau se retrouvent pollués. Et donc ça rend les bactéries encore plus résistantes qu'elles n'étaient déjà. Et donc moi, la solution qui m'apparaissait très claire, c'était tout simplement, dans un premier temps, de colmater l'urètre de l'ensemble des humains et des animaux au moyen soit d'un petit bout de scotch, soit d'une mousse polyurétale durcissante sur le méa urinaire de chacun afin que cette pollution stoppe définitivement. Bien sûr, ça pouvait poser des problèmes sociétaux parce qu'après les gens auraient gonflé, donc problèmes de place dans le bus, de comment passer la porte pour aller à son travail, etc. Donc je pense que c'est pour ça que Ségolène Royal n'a pas donné de feu vert pour cette solution. Du coup, j'ai poursuivi mes recherches et c'est là que j'ai eu cette chance de tomber sur un super article du magazine Critical Care Medicine présentant les résultats d'une étude réalisée par Jean Damien Damien Ricard, qui entre deux élaborations de pastis certainement, s'est intéressé aux meilleurs moyens de traiter les infections pulmonaires des patients en assistance respiratoire. Parce qu'en fait, certains patients présentaient des pneumonies difficiles à endiguer du fait que les bactéries soient justement résistantes aux antibiotiques. Donc ce monsieur a eu la bonne idée, au lieu de mettre au point un énième antibiotique inefficace, d'aller chercher un ennemi naturel des bactéries. Ah, voilà. Voilà pourquoi il est allé dans des stations d'épuration, un peu par plaisir, mais surtout pour trouver des virus bactériophages, littéralement virus mangeurs de bactéries, capables de provoquer une destruction de la bactérie par l'intérieur après lui avoir injecté de l'ADN. Et donc l'idée de M. Ricard était la suivante, infecter consciemment quelqu'un avec un virus pour que le virus s'attaque non pas au patient, mais aux bactéries, c'est-à-dire inoculer l'ennemi de l'ennemi. Donc au départ, il voulait faire ça sur des humains. Le problème, c'est que l'humain est tout à fait le type d'animal à aller ensuite balancer à la police ou à la presse ce qu'il a subi. Du coup, il s'est rabattu sur des souris. Un tiers des souris qu'il a pris, il leur a inoculé seulement la bactérie résistante, responsable de la pneumonie. Un tiers, la bactérie plus des antibios. Et au dernier tiers, la bactérie plus le fameux virus bactériophage. Oui. Le résultat est le suivant. Les souris, les premières, pardon, sont décédées de la fameuse pneumonie, tandis que les deux lots suivants, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'antibiotique et le virus bactériophage, ont survécu. Ce qui prouve que du coup, les virus bactériophages sont un moyen quand même efficace de lutter contre les infections bactériennes, des bactéries résistantes. Alors du coup, moi, j'ai cherché pour les terroristes ce qui pouvait faire office de bactériophage, c'est-à-dire quelqu'un susceptible lui aussi d'injecter son ADN pour neutraliser le terroriste, et j'ai trouvé qui peut faire ça pour le terroriste. Et bien sûr, c'est sa mère, hein, sa mère qui lui remet de l'ADN et qui pourrait tout à fait dire au terroriste, Kevin, à table s'il te plaît. Mais maman, je peux pas là, je prépare mon attentat. Oh mais dis donc, ça va bien maintenant comment tu parles à ta mère, hein, ton attentat il attendra. Alors lève cette cagoule quand tu manges de la dope s'il te plaît. Et voilà, et ainsi on comprendra que outre le renseignement, il existe une autre arme contre le terrorisme qui peut s'avérer efficace, le virus de l'amour parental. C'est beau, vous savez, s'il y a un remaniement, moi je serais Manuel Valls, je vous mettrais soit à la santé, soit à la défense. En tout cas, vous avez des solutions. Aux deux. Ou les deux. Le fameux ministre de la santé et de la défense. Troisième sujet, on est toujours avec Léa Drucker. Le CSA choisit en ce moment la présidence de France Télévisions. Alors le précédent choix de président de l'audiovisuel public du CSA, c'était Mathieu Gallet. Donc on ne sait pas encore qui ce sera, mais ce qu'on sait, c'est que quoi qu'il se passe, il ne rénovera pas son bureau en arrivant. En tout cas, déjà, félicitations aux futurs gagnants. Alors les entretiens du CSA ont été pointus. Depuis quand avez-vous été licencié ? 4 mois. Portez-vous des slips ou des caleçons ? Pardon ? Portez-vous des slips ou des caleçons ? Je suis obligé de répondre, là ? Des slips ? Non ? Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ? Pour ? Pour ? Non, contre. Pour ou contre ? Contre, enfin, ça dépend qui. Contre. Qu'est-ce que c'est, là ? Un tribunal ? Merci. Je peux avoir une réponse, quand même ? On vous écrira. Une époque formidable, Gérard Jugnot. Alors Léa Drucker, vous m'avez dit donc voilà, ça va aller très très vite. Vous avez quand même un tonton qui est pas mal dans la télé. Vous aviez un oncle qui était pas mal dans la télé. C'est qui ? Et vous, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et vous vous en fichez un peu de savoir qui va être le prochain président de France Télévisions. Oh, c'est pas que je m'en fiche, c'est que je sais pas quoi penser là-dessus puisque pour l'instant ça s'est pas décidé. Alors il y a deux noms. Incapable de attention, l'info. Delphine Ernotte et Pascal Joseph sont les deux derniers candidats. On en parlait, c'est deux personnes formidables. N'est-ce pas ? Mais oui, parce qu'ils risquent de nous engager pour des séries ou pour des émissions de télé. Ah, moi, je les aime beaucoup énormément. Voilà, tous les deux. Vivement qu'on m'appelle. Parce que Rémi Fimelin, ce sera plus lui. Bon, il était bien, mais voilà. Le suivant risque d'être beaucoup mieux. Voilà, le sujet est terminé. News OK. Win, yes. What do you want me to go back? Needs no to win. No problem. News au kilo. There is a bit more, je vous le mets. Et on commence par Marine Le Pen qui, dans une interview sur iTélé, nous a permis de voir la faille derrière la femme qu'on pense si dure. Elle a dû répondre à une question émouvante. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Écoutez, la dernière fois que j'ai pleuré, c'est probablement lorsque ma petite, ma jeune chatte est morte et voilà, tuée par un chien. Ça m'a beaucoup fait souffrir. C'était cet été. D'accord. Elle s'appelait comment ? Artemis. Artemis. Et là, vous avez pleuré ? Oui, là, j'ai pleuré. Ah, on vous sent même un peu ému, là. Oui, je suis très attachée à mes chats. Je suis une mère à chat, moi. Mais oui, c'est bon, hein, c'est bon. C'est vrai que les bateaux comme ça d'immigrés, c'est triste, mais c'est quand même pas. Faut pas tout mélanger. Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup touché ce qu'elle a dit, franchement. Oui, bah oui, on vous sent ému. Mais oui, ça me rappelle une histoire qui est arrivée en Belgique. Je sais pas si vous en avez parlé. Il y a eu un décès d'un animal. Il y a eu Miss Chihua qui nous a. Oui. Bah, allez, d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Télé 100 annonce qu'on n'oubliera pas Miss Chihua. Écoutez, Joss, son père. on a décidé, Sylvana et moi, de faire une fondation Mishiva. Le siège sera ici à Sambreville. On va essayer de le faire ici, le siège, avec sa... Ben, que le siège sera là, et on va essayer de mettre sa petite statue quand même à l'entrée. Qu'on a toujours voulu voir, et ben, on a rigolé avec ça, mais je crois que le moment est venu maintenant de le faire. On a rigolé, et on n'en rigolera plus. Salut l'artiste. Voilà, Léa Drucker, ça vous a ému, hein, cette histoire de Mishiwa. Quand vous passerez à Sambreville, j'espère qu'il y aura la statue. Vous pourrez faire un petit selfie, vous nous l'enverrez. Promis, en première page ça, sur notre Facebook. Mais avant tout ça, il y a le 27 avril sur Canal+, dont le président est là. On n'a pas de problème, on doit pas en choisir un nouveau. je ne sais pas, c'est parce que comme on a bâclé le sujet sur France Télévisions. Sur Canal+, le bureau des légendes d'Éric Rochant avec Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Jonathan Zakaï, série événement. 10 épisodes. Oui. À partir du 27 avril, à partir de lundi. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Léa Drucker. Merci à toute l'équipe. Demain, on se retrouve à Bourges. Et on se termine. Voilà, le petit mot de la fin. Vous parlez pas latin. Vous n'êtes pas tout le temps à parler latin ou. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis. Eh ?